voiture, j'amène d'eau, moi j'amène le dos. Quand vous viendrez, vous me donnerez le ré. Faites venir des amis pour le mi. Sur le sofa sera la clé de fa. Sous le parasol sera la clé de sol. Quand tu seras là, on donnera le la.